Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons finir l'émission avec un voyage en pays maya en compagnie de Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Alors, on peut se rappeler, oui. Aujourd'hui on est en 2013, mais on peut se rappeler qu'en décembre dernier de l'année passée, en 2012, on entendait beaucoup parler de la fin du monde maya. Et selon le calendrier de ce groupe culturel natif de l'Amérique centrale et du Sud, la fin du monde tel qu'il le connaissait prenait fin en décembre 2012. Uh-huh. En réalité, on perd la trace de ces mayas. Là, vers 900 de notre ère, soit bien longtemps avant ce fameux décembre 2012-là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on sait qui sont les Mayas et d'où ils viennent? En fait, il s'agit d'une c'est la plus vieille civilisation qu'on a en Amérique. Uh-huh. Et on retrouve la civilisation maya, entre autres, au Mexique, au Belize ou au Guatemala. Cette civilisation s'étend donc sur un très grand territoire là qui est très diversifié. Mais il faut pas la voir comme un empire, parce qu'il y a jamais eu une personne qui a gouverné l'ensemble de cette région-là. On peut plutôt voir les Mayas comme un ensemble de cités indépendantes, comme des cités-États, uh-huh. qui ont partagé certaines pratiques rituelles et cérémonielles, comme aussi de l'architecture puis des objets culturels. Mais c'est quand même une civilisation qui a eu une très bonne longévité, non? Oui, en fait, les Mayas ont une continuité culturelle à partir de 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 900 ans de notre ère. OK, donc 1400 ans. Là. Exactement. C'est environ la durée de la Rome antique. C'est très long. Et ils ont donc vécu longtemps et c'est une longue période où ce qu'on va distinguer trois périodes avec un nom pas très original. On parle mm-hmm. de la période préclassique, la période classique et le post-classique. Okay. Ça, c'est très cartésien comme principe. Et les Mayas sont principalement connus pour leurs avancées techniques dans les domaines de l'écriture, de l'art, de l'architecture, des mathématiques et aussi de l'astronomie. Okay. Il faut pas se fier toutefois à l'image plutôt romantique qu'on a eue, qui ont été laissées en fait des premiers explorateurs qui, quand ils ont rapporté la découverte des vestiges de la civilisation maya, ont dépeint un portrait plutôt différent de la réalité. Ils disaient que cet ancien empire maya, un peuple laborieux mais très pacifique, se donner dans le calme de ces cités cachées, dans la forêt dense, à la seule tâche de la contemplation des étoiles. Ah oui. Mais en fait, les Mayas, qui sont bel et bien des bâtisseurs et des savants et des artistes, n'en étaient pas moins des guerriers aguerris. Car un peu comme dans les cités grecques de l'époque classique, l'organisation politique faisait que toutes ces cités-là étaient rivales, donc en constante concurrence pour des biens et des richesses. C'est vrai qu'on voit les Mayas à travers les pyramides et le calendrier. C'est un peu réducteur peut-être, mais qu'est-ce qui caractérise la culture maya? Les Mayas ont beaucoup apporté au niveau culturel, mais tout d'abord, on peut penser à la structure sociale qui était plutôt complexe pour le temps. Et lorsque les chercheurs ont pu déchiffrer l'écriture maya, on a pu découvrir que l'élite et le peuple ne formaient pas un cercle entièrement fermé. Et là, je parle pas de la mobilité sociale parce qu'en effet, il y en avait pas. Mm-hmm. En fait, l'élite et le peuple ne formaient pas de catégorie antagoniste. On retrouve plutôt des liens de parenté, voire même des liens d'alliance qui unissaient ensemble des dirigeants à des serviteurs, autant qu'à des chefs et aux paysans. On a aussi, avec l'archéologie, on a pu découvrir, grâce à des avancées techniques archéologiques, on a pu découvrir des nouvelles notions au niveau de l'économie maya. On a, entre autres, avec l'analyse photo-aérienne et des analyses polliniques, ils ont pu révéler certaines choses que les textes mayas ne mentionnaient pas ou très rarement. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les ressources étaient variables selon l'environnement, parce que c'était très, très diversifié au niveau de l'environnement local. Et les Mayas se sont adaptés très facilement à cet environnement-là et ils ont pratiqué autant la chasse et la pêche que l'élevage et l'agriculture. On a aussi découvert que l'agriculture qui était pratiquée était du type surbrûlis. Okay. Donc, on utilise un lopin de terre, on va brûler tout ce qu'il y a dessus et l'engrais qui est utilisé, mais c'est les cendres, qui est le meilleur engrais qu'il peut avoir, disons, naturel. Oui, tout à fait. Et une fois que la terre est utilisée à son plein potentiel, mais on change de lieu. D'accord. On a aussi découvert un petit village qui s'appelle Seren, qui lui était enseveli dans une éruption volcanique. Et ça, ben, c'est la meilleure conservation qu'on a au niveau de l'archéologie. Ben oui, hein? Et là, ça a permis de voir que les Mayas de l'époque classique cultivaient sur une même parcelle du maïs, des haricots et des courges. Donc, ils connaissaient très bien leur environnement. Ils savaient qu'au niveau de l'écologie, c'était un groupe ensemble qui se mariait très bien. Okay. Puis on a aussi découvert que les Mayas pratiquaient déjà à l'époque l'apiculture. l'apiculture, soit l'élevage des abeilles à miel. Malgré tout, ce qui reste de plus visible des Mayas aujourd'hui, ce sont des temples et des bâtiments immenses. Qu'est-ce qu'on connaît de leur technique de construction? Oui, ben en effet, les Mayas ont construit des pyramides, vraiment des gros villages aussi, un peu en fait comme les Égyptiens. Et pareil, justement, comme les Égyptiens, ils n'utilisaient pas d'outils en métal ni de poulies. Les Mayas n'utilisaient même pas d'animaux de trait ou de portage, et ils n'utilisaient même pas la roue. OK, c'est quand même incroyable. Hein? Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui se traduit par dire que c'est l'utilisation de la force humaine à elle seule. C'est ça. C'est fou. Et on a aussi l'art qui fait partie des aspects propres à la culture Maya. C'est d'ailleurs dans la période classique entre 200 et 900 ans de notre ère, qui est considérée comme une période, c'est la période l'une des plus beaux et des plus fins de l'Amérique précolombienne. On pourrait même qualifier les Mayas comme des Grecs du Nouveau Monde. Okay. En fait, c'est pour leur maîtrise du domaine de l'esthétisme. Okay. De ce qui est de l'art de la fresque, les Mayas, eux, étaient passés maîtres dès le 3e siècle. C'est assez tôt. Les bas-reliefs de Palenque et le Sesseur de Copan sont particulièrement gracieux et dénotent un sens très précis de l'observation de l'être humain. J'imagine qu'il reste un paquet de vestiges, justement, artistiques des civilisations mayas. Oui, quand on se promène sur place, là, que ce soit au Mexique, au Belize, on va trouver plusieurs sites archéologiques, dont entre autres des très grandes pyramides. Et quand on peut en trouver, d'ailleurs, de l'art sur ces pyramides-là, autant du statuaire, donc des petites statues qui vont dépasser de la pyramide, autant que des bas-reliefs, c'est gravé à même la pierre, soit des motifs religieux ou des motifs qui parlent de la vie de tous les jours. OK. Et ce qui a aussi marqué l'imaginaire, c'est l'effondrement maya et surtout le fameux calendrier annonçant la fin du monde. Oui, cette fin du monde-là qui a été prédit pour 2012 et qui s'est jamais avérée. En fait, ce qui arrive, c'est l'arrêt de la construction monumentale et des inscriptions qui sont associées à cette construction-là entre 750 et 1050 de notre ère. Cet effondrement-là des cités États mayas est suivi d'un énorme dépeuplement, donc tous les centres, tous les villages sont abandonnés. On a eu des fouilles qui ont été menées par une équipe française et guatémaltèque à Nachun, ça commence en 2009 et ça se poursuit encore, et ils ont découvert que probablement une modification durable de l'écosystème, en plus ajoutée aux guerres là, à répétition, aurait en quelque sorte provoqué la fin de l'ère classique. On parle tout de même là d'une kyrielle de causes, donc de plusieurs causes, ça peut être autant interne qu'externe. Il y aurait eu entre autres une crise écologique où le sol surexploité par l'agriculture intensive du type brûlis pouvait plus nourrir le peuple qui d'ailleurs en nombre avait monté en flèche là, dans les dernières années de la civilisation maya. Le peuple qui est reconnu guerrier, les nombreuses invasions affaiblissaient aussi le pouvoir là de toutes ces petites principautés-là. Et on reconnaît aussi une possible décimation par des catastrophes naturelles comme des séismes, des épidémies et des sécheresses. Mmh. Parle-nous en détail du calendrier maya. Calendrier maya, comment ça fonctionne? Ben, en fait, de ce qu'on sait, le calendrier, mais en fait, il y en a deux. Il y a deux calendriers mayas. Il y en a un sacré, puis il y en a un pour tous les jours. Et c'est celui sacré qui suit un cycle de 260 jours. C'est curieux, oui. Oui, tout à fait. Et qui se termine, ou qui se terminait en fait, le 21 décembre de l'année dernière, 2012. Mais il n'y a aucune mention maya qui parle de fin du monde, ni même de bouleversement le majeur aussi. Ce qui est arrivé, c'est le mythe de ça est né par par des fabulations de gens qui croyaient beaucoup aux Mayas et aussi à des adeptes du courant New Age. Cette prophétie-là, en fait, elle a été rejetée assez rapidement là auprès de la communauté scientifique, comme toutes les autres prédictions de fin du monde aussi. Parce qu'on la reconnaît plutôt comme pseudo-scientifique. Ce qu'on a découvert récemment par des fouilles archéologiques, c'est un temple avec des calculs, en fait, un autre type de calendrier avec des dates qui continuaient, qui passaient ce cap de 2012. Bon, okay. Donc, en quelque sorte, c'est peut-être parce qu'on avait un manque au niveau des vestiges archéologiques qu'on pouvait croire que le calendrier arrêtait en le 12 décembre 2012. 2012. 12 décembre 2012. 12, 12, 12. Si je ne me trompe pas, 12. OK. Oui. Alors, c'est fou comme un mythe sans fondement scientifique, historique, a pris racine dans la population, relayé par des livres, les médias, et peut-être aussi avec un peu de crédulité. Hein. Exact. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup, François. On passe au mot de la fin.